Ambiance artistique, un carrefour des artistes, un voyage à la découverte d'un monde artistique, des slameurs, poètes, écrivains, comédiens, peintres, stylistes et j'en passe. Ambiance artistique, une émission réalisée et présentée par Prince Willy Bouzilighi, tous les mardis de 14h30 à 15h30 à la radio scolaire de la Gakour. Monsieur le directeur de l'ETESA, bonjour. Bonjour. Nous aimerions savoir d'abord quel est votre nom, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Clément Zosava, oui, directeur de l'ETESA. Ça fait combien de temps que vous êtes le dirigeant de cet établissement? Ça fait bientôt 11 ans, parce que je suis ici 2006. Alors parlez-nous un peu de cet établissement, un bref historique et comment est-ce que est la vie ici à l'ETESA, le nombre des élèves, des écoliers qui y sont. Bon, l'école a été créée le 15 décembre 1966. Elle a ouvert ses portes le 1er septembre 1967. C'est-à-dire que nous avons cette heureuse occasion cette année de fêter le jubilé d'or. L'école, dès sa création, avait ses assises à Mutwenzi, c'est à 6 km de Gitega. Et un peu après, elle a bougé vers la ville, et à la paroisse Mouchacha. Et maintenant, et depuis 1971, elle a ouvert ses propres portes, ses propres bâtiments. Et jusque-là, alors depuis 1971, on est dans le quartier Nyabutotsi, à 4 km de Gitega de la ville. Votre lycée accueille combien d'élèves par an? Disons par exemple aujourd'hui, il y a combien d'effectifs? Bon, jusqu'aujourd'hui, nous avons un effectif de 138 élèves. Sinon, la capacité d'accueil de cette école n'est pas grande à cause de l'exiguïté des bâtiments. Dans ces 138 élèves, est-ce qu'il y a la participation des filles? Oui, effectivement, nous avons aujourd'hui 17 filles sur 121 garçons. Vous trouvez que le chemin est encore long. Sinon, dans tout ce que nous faisons l'activité de l'école et nous voudrions beaucoup, franchement, la participation des filles dans cette école. Parce que c'est une école, si vous voulez, qui est ouverte à tout le monde, y compris les filles. Il y a peu de participation des filles, qu'est-ce qui manque? Oui, effectivement, nous faisons souvent des publicités, des panneaux publicitaires pour montrer la valeur des écoles techniques et de la technologie dans le développement national. Alors, souvent, on manque de ces filles-là, alors que c'est très important. Les filles remarquent souvent que les écoles techniques sont vraiment difficiles. Mais souvent, le peu que nous avons ici, vraiment, franchement, avance très bien et se déroule dans leur vie. Alors, je lance un appel vibrant à toutes les filles qui veulent venir étudier à l'ETESA, qu'ils puissent encore une fois, si vous voulez, choisir au premier plan l'ETESA. C'est très important pour nous. You're in the mix with DJ Prince. Désormais, vous pouvez nous aider à faire un classement des 5 chansons les plus aimées du moment. Allez sur notre page Facebook et choisissez la chanson que vous préférez. Vous pouvez également nous envoyer un texto sur 79 402 336. 79 402 336. Comment est-ce que les élèves réussissent à l'examen d'État? Jusqu'aujourd'hui, franchement, nous avons une très bonne réussite. Ça fait beaucoup d'années que nous avons une réussite qui va de 92 à 100%. Oui, il y a au moins 4 ans. Sur le champ national, vous occupez quelle place? De toute façon, si on n'est pas premier, on est deuxième. Est-ce que votre école a un programme comme les autres écoles? Quelle est votre particularité? Bon, cette école a une particularité. Dans le temps, on devait en fait trier selon, si vous voulez, ceux qui disposaient des dons de dessiner, de peindre. On faisait, si vous voulez, un petit concours d'entrée. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une orientation du ministère de l'Éducation. Et jusque-là, alors, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a plus de concours. Alors, il y a les activités qui s'y font et les cours qui se donnent sont dispensés. Il y a des cours généraux et des cours techniques. Alors, dans les cours généraux, Il y a le français, l'anglais, la chimie, la physique, le civisme, l'EPS, la psychologie. Et dans les cours techniques et pratiques, et c'est là qui fait la particularité justement de l'école. Il s'agit de la céramique, de la peinture et décoration, la publicité, et le dessin technique, et l'infographie aussi, c'est un nouveau cours. Et voilà. Sabgibi bondi ngani mirima Surgweri mogera wagukunda Tukaratijiza kwivugi mana ya kuduhaye kagahugu kanje Arikugwaruka gwarushi mitima Sinumba simboni mboni mvano Nusinji kare Burundi gihugu chatuvyaye dusabi kigongwe Mashashi na bashuri Nija murundi ya suunda Tacho dufakire ticho dufana Mana mana mwamburu mutamana Kamara mara mukumanu zimana Ya mae mazamariza yumana Ndache kumayage Nibabige mena wangu umu maunja Ikitega kitete mamahoro na mahonduri Ndangaburu ndurina Kira kira kira kira kira kira kira Yoho Recevez facilement les enseignants de ces cours dont vous venez de citer, technique. Avoir des enseignants jusqu'à aujourd'hui, franchement, c'est une problématique. Et jusque-là, nous n'avons qu'un seul qui a terminé l'université, l'enseignement technique et artistique. Et sinon, l'école ne dispose que des professeurs qui ont terminé ici et qui sont recrutés selon, si vous voulez, les compétences dans l'un ou l'autre cours. Voilà, c'est un problème que nous avons effectivement. On n'a pas de professeurs qui sont qualifiés. Quelles sont les autres difficultés et défis que vous rencontrez dans la vie quotidienne? Bon, dans la vie quotidienne, il y a, si vous voulez, le courant électrique pour l'atelier de céramique. Et l'atelier de céramique, franchement, consomme beaucoup d'énergie. Et comme actuellement, on doit se payer la facture de l'électricité et nous est vraiment très difficile de pouvoir honorer nos engagements. La céramique, c'est quoi exactement? La céramique, c'est un art, si vous voulez, qui est utilisé à l'aide de l'argile. À son mal, vous allez constater qu'on peut aussi utiliser, si vous voulez, bon, pas de l'argile seulement, on peut utiliser aussi du ciment. Et c'est ce que vous allez constater quand on fait des monuments. Voilà. La céramique aussi est utilisée aussi dans la production si vous voulez, des ustensiles de cuisine. Vous allez trouver les assiettes, les tasses, les sous-tasses, et tout ce qui a un rapport avec la porcelaine, si vous voulez. Mais jusque-là, on n'y est pas encore parce que on n'a pas encore eu cette technique en classe. Est-ce que vous avez des œuvres de référence que les étudiants de cette école ont déjà réalisées, pour nous en citer quelques-uns? Oui, il y en a beaucoup. On peut citer peut-être les œuvres qui sont connues par tout le monde. Vous verrez par exemple le monument du prince Rwagasore situé encore à Bujumbura, à la place de l'indépendance. Il y a aussi le monument de son excellence, le héros de la démocratie, Nadia Melchior, à Bujumbura et à Gitega. Et il y a d'autres statues que l'on peut trouver ici et là qui ne sont pas connues, mais qui sont dans les églises, qui sont dans les hôtels, un peu partout. Il y en a beaucoup dans le pays. Oui. Merci, monsieur le directeur, pour votre interview. Merci à vous. Monseigneur Baransanane qui est Justin. Qu'il se nomme ingénieur de son, vraiment un coup de chapeau. Mais qu'il se dise arrangeur, producteur, oui, parce qu'ils mettent leur argent dedans. Parce qu'en musicologie, en entrepreneuriat musical, le métier de producteur signifie celui qui met son argent pour produire une œuvre, pas celui qui arrange. Mais quand il veut faire les deux, il devient arrangeur pour être orchestrateur, savoir agencer les instruments. Il doit avoir une qualification en musique. C'est ainsi que la musique ne peut pas trouver un refuge dans les studios de Bujumbura. Elle trouverait un refuge d'abord dans une formation, dans un institut de musicologie, et puis aller dans les studios. Bon, moi je m'appelle Daniel Kibamba. Je suis élève finaliste de l'école d'art. Moi, je m'appelle Chongran Offense. Je suis un artiste peintre. Je suis un élève finaliste de l'ETSA. Et moi, c'est Lynn Chancé Namahoro, élève de l'ETSA, finaliste, dessinatrice encore. Alors, la toute première question, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés ici à l'ETSA? Bon, nous sommes retrouvés ici d'après l'orientation, comme tous les élèves, parce que c'est une école supérieure. Depuis ma jeunesse, j'aime la. C'est pourquoi j'ai choisi d'étudier ici à l'ETSA. Pour moi, c'est d'après les orientations, après la dixième. Vous aviez demandé d'être orienté ici? Oui. J'ai écrit ETSA, parmi ça aussi lettres, mais on m'a donné ETSA et je suis fière d'être ici. Est-ce que trouvez-vous qu'il y a de l'importance de faire l'art? Oui, je pense qu'il y a une très très grande importance de pratiquer l'art. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es dans la terminale, dans la dernière année. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé que les gens peuvent voir et dire et voici, Kibamba, il a fait ceci. J'ai déjà réalisé beaucoup d'œuvres. D'après ce que nous étudions ici, l'artiste est capable de faire tout genre d'œuvres parce que nous étudions tout genre d'art ici. Oui, par exemple, je peux faire la céramique, peinture, dessin artistique. Et le dessin technique aussi. Tout ça, je suis capable de faire. Et toi, qu'est-ce que tu as déjà réalisé jusqu'à présent pour dire j'ai fait l'école d'art? Oui, jusqu'à maintenant, ici à l'ETSA, c'est une école qui est très, très importante pour moi parce que tous mes besoins, c'est moi qui le fais. Comment? Je suis un prothétiste, je suis encore un céramiste. J'ai fait beaucoup d'œuvres d'art. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? À part des devoirs d'ici à l'école, j'ai fait mes propres œuvres pour la peinture aussi, les dessins comme les portraits, un crayon ou stylo. Parle-moi de votre vie quotidienne. Comment vivez-vous ici à l'ETSA? Ici à l'ETSA, on vit comme les autres en société. À la vie de l'école, avant midi pour l'école et après midi, on s'occupe avec nos propres œuvres ou bien des devoirs qu'on a, oui. On n'a pas un temps à perdre ici à l'école. Que diriez-vous à des gens qui pensent que vous êtes en train de perdre votre temps ou que vous auriez pu étudier les lettres, les scientifiques, que peut-être vous ne pourrez pas avoir une belle vie comme les autres? Qu'est-ce que vous leur direz? En fait, étudier ici, c'est pas une perte de temps. En fait, il y a un certain avantage d'étudier ici. D'abord, ici, on nous enseigne d'être unis comme jamais. Les élèves d'ici sont très unis. Je pense qu'ils sont très unis comme du béton. En fait, l'avantage qui est ici, c'est quand tu pratiques l'art, tu reçois une source de paix que tu ne peux pas imaginer. En fait, être artiste, c'est être comme créateur. Tu reçois ta propre création que tu as pu créer. En fait, j'invite tout le monde à aimer l'école d'art parce que l'art est vraiment une source de réalité, de création. En fait, bienvenue. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école d'art, j'aurais l'invité de venir étudier ici à Retissa parce que si on est un élève de Retissa, tu es un élève fonctionnel parce qu'on fait beaucoup des œuvres d'art qui peuvent payer de l'argent. Pour les filles spécialement, parce qu'on se voit comme incapable, mais pour l'art, ça ne demande pas beaucoup de choses. C'est juste une idée et le courage. Et tu réalises une œuvre d'art, c'est ça. J'invite à tous les filles à venir à l'ETSA. Oui, parce qu'à l'ETSA, c'est avantageux. Parce que, pas seulement pour pratiquer, mais on devient des intellectuels dans l'art. On étudie aussi le passé de l'art. Qu'est-ce que tu feras plus tard quand tu finiras? Je vais faire de l'université, mais je vais continuer dans l'art. Parce que... Bon, après l'ETSA, dans ma vie future, je pense que j'essaierai de créer une entreprise pour continuer à faire mes études dans l'art. En fait, après mes études, j'ai beaucoup de projets. Mais d'abord, avant tout le projet, il faut aller à l'université, continuer mon art, renforcer mes connaissances. Et je me suis un peu enseigné, il y a une université à l'Ouganda qui étudie le design. Et après l'université, je pense que je retournerai bien ici pour mettre ensemble les autres artistes et travailler ensemble. C'est ça mon projet. Je m'appelle Elodie, j'aime écouter l'émission Ambiance Artistique sur la radio scolaire de la Gakula tous les mardis à 14h30 sur la fréquence 87.9. Je suis Arsine, j'aime écouter l'émission Ambiance Artistique sur la radio de la Gakula tous les mardis à 14h30 sur la fréquence 87.9. Do I wait?